Encore un poème intitulé L'échafaud, publié en 1870 dans Les quatre vents de l'esprit. Œil pour œil, dent pour dent, tête pour tête, à mort, justice. L'échafaud vaut mieux que le remords. Talion, talion. Silence, cri sauvage, non, assez de malheurs, de meurtres et de ravages, assez d'égorgements, assez de deuils, assez de fantômes sans tête et d'affreux trépassés, assez de visions funèbres dans la brume, assez de doigts hideux montrant le sang qui fume, noir, et comptant les trous de linceul dans la nuit. Pas de suppliciés dont le cri nous poursuit, pas de spectres jetant leur ombre sur nos têtes. Nous sommes ruisselants de toutes les tempêtes. Il n'est plus qu'un devoir et qu'une vérité, c'est, après tant d'angoisses et de calamités, homme, d'ouvrir son cœur, oiseau, d'ouvrir son aile, vers ce ciel que remplit la grande âme éternelle. Le peuple, que les rois broyaient sous leurs talons, est la pierre promise au temple, et nous voulons que la pierre bâtisse, et non qu'elle lapide. Pas de sang, pas de mort. C'est un reflux stupide que la férocité sur la férocité. Un pilier d'échafaud soutient mal la cité. Tu veux faire mourir ? Moi, je veux faire naître. Je mure le sépulcre et j'ouvre la fenêtre. Dieu n'a pas fait le sang, à l'amour réservé, pour que l'on donne à boire aux fentes du pavé. S'agit-il d'égorger ? Peuple, il s'agit d'être. Quoi ? Tu veux te venger, passant ? De qui ? Du maître. Si tu ne vaux pas mieux, que viens-tu faire ici ? Tuer n'est pas créé, et l'on se tromperait si l'on croyait que tout fini au couperet. Sitôt qu'a disparu le coupable immolé, hors du panier tragique où la tête a roulé, le principe innocent, divin, inviolable, avec son regard d'astre, à l'aurore semblable, se dresse, spectre auguste, un cercle rouge au cou. L'homme est impitoyable, hélas, sans savoir où. Comment ne voit-il pas qu'il vit dans un problème, que l'homme est solitaire avec ses monstres même, et qu'il ne peut tuer autre chose qu'Abel? Lorsqu'une tête tombe, on sent trembler le ciel. Non, l'élargissement des mornes cimetières n'est pas le but. Marchons, reculons les frontières de la vie. Ô mon siècle, allons toujours plus haut, grandissons. Qu'est-ce donc qu'il nous veut, l'échafaud? Cette charpente spectre accoutumée aux foules, cet îlot noir qu'assiège et qui se bat des houles. Son horreur, son front noir, son œil de basilic, qui consent à venir travailler en public, et qui, prostitué, accepte sur les places la familiarité des fauves populaces. Ô vivant du tombeau, vivant de l'infini, Jéhovah, Dieu, clarté, rayon jamais éterni, pour faire de la mort, de la nuit des ténèbres, ils ont mis ton triangle entre deux pieux funèbres. Et leur foule, qui voit resplendir ta lueur, ne sent pas à son front poindre une âpre sueur. Et l'horreur n'étreint pas ce noir peuple unanime quand ils font, pour punir ce qu'ils ont nommé crime, au nom de ce qu'ils ont appelé vérité, sur la vie, ô terreur, tomber l'éternité.